Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Youssoupha. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. Youssoupha, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour une nouvelle soirée avec Youssoupha hier soir. Et c'est parti pour le show. Ah bah, très bonne référence. Grave. On salue d'ailleurs. Ouais, Nadia. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, en forme Youssoupha? Ouais, non, mais il y a des gens qui me dérangent pendant que je fais mon émission pour essayer de vendre un peu d'albums et découvrir mon public, c'est n'importe quoi. On va les présenter. C'est la première fois que les gens viennent à Planet Rap et ça dérange des gens. C'est fou, hein? Ouais, ça commence. Ça a à peine commencé. Hardcore. Il y a des Planet Rap qui ont commencé hardcore comme ça. Ouais, ouais, je te parle pas, ton frère. Oui. Des choses qui peuvent arriver. Mais avec toi, a priori, ça se passe bien. Enfin, j'espère. Il nous reste encore deux soirées. On n'est pas encore voilà, vendredi. Voilà, c'est ça, c'est ce que je me dis. Et non, je voulais revenir quand même sur quelque chose, puisqu'hier, on t'a laissé. Tu partais à Nanterre. Hier, je partais à Nanterre pour un concert. Pour le premier concert depuis la sortie de l'album. Depuis la sortie de l'album, qui est sorti lundi d'ailleurs. Merci, parce qu'il cartonne et c'est grâce à vous, continuez. Mais oui, je suis parti à Nanterre. Alors, pour un concert qui était remarquable d'ailleurs. Débriefing de Nanterre. C'était remarquable, on a fait les nouveaux morceaux. C'est bizarre parce que toujours c'est un peu d'appréhension avant de commencer à les installer, mais les gens étaient très très contents, la salle était remplie. Non, je suis content. Gros retour sur Salam notamment, qui... Alors, il était préparé pour la scène, donc c'est normal qu'il cartonne. En tout cas, c'est normal. En tout cas, voilà, on est plutôt rassuré qu'il cartonne. Et donc voilà, ça annonce que du bon pour le reste. Et la prochaine date, c'est Rhys Orangis le 30 mai. Le 30 mai, exactement. Ouais, essayez de prendre vos places vite, parce que je crois en plus que la salle n'est pas immense, mais la salle est chaleureuse et efficace. Et là, si vous voulez voir Youss de très près, c'est le moment où j'aime. De très très parce très Zénith, très près, vous pouvez le voir de plus loin. Ouais, non mais grave, vous pouvez pas toucher mes locks au Zénith. Ouais, alors là, au plan de Rhys Orangis, tu peux même me tresser. Tu vois ce que je veux dire, normal. Donc c'est le 30 mai pour le tressage, c'est à Rhys Orangis. Exactement. Au plan. Salon de coiffure, le plan. Salon de coiffure, allez-y. C'est le Love Music Tour et voilà. Ça va être bien, ça va être bien. Ce que je te propose, c'est qu'on mette d'abord Smile. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses et de gens à présenter. Yeah, on va présenter les gens. Et puis j'aimerais surtout, parce que je me suis aperçu qu'on n'en a pas dit un mot depuis le début quand même de ce Planet Rap. C'est parce que je savais qu'ils allaient venir foutre la merde un jour. Donc forcément, j'ai laissé un peu de suspense. Non, je parlais pas des invités, je parlais quand même du nom de cet album qui est important, qui s'appelle Négritude. Et j'aimerais qu'on dise un mot aussi, que tu l'expliques aussi. Ah ouais, terme. On peut faire ça aussi. On peut faire ça. Au fait, l'album, déjà, tu te rappelles à l'époque du premier album, il y avait déjà l'idée, déjà de négritude éternelle à l'époque d'Éternel en commençant, quand j'avais pas de cheveux, tu te rappelles? Ouais. Quand depuis, ça a bien poussé. Ouais, ça a bien poussé. Toi, tu n'avais pas de cheveux, tu n'en as toujours non, pas d'ailleurs. J'ai un petit problème, mais je pense bientôt pour les implants. Et à l'époque, c'était un peu mal compris. Et moi, je crois que je m'étais laissé un peu rattraper un peu par toutes les appréhensions que je sentais autour de moi. Et je me suis dit, voilà, plus tard, on va essayer de donner ce titre-là quand on sera plus en place. Et quand j'ai décidé de le remettre au goût du jour là pour le quatrième, bah les gens m'ont sorti les mêmes doutes qu'à l'époque. Mais tu fais référence d'ailleurs dans les morceaux aussi en particulier. Du coup, je m'en veux un peu moins parce que je me dis, si jamais les gens ils me sortent les mêmes excuses qu'à l'époque, genre en mode t'es pas assez connu pour pouvoir imposer un titre aussi fort, tu sais, il peut y avoir des connotations et tout ça, alors que moi, t'as vu, je ramène quelque chose de positif dans tout ce que je fais. Eh bien, on en parle dans un instant de ce titre Négritude, mais juste avant, on débute avec Smile, c'est parti. C'était hier soir en live dans l'émission avec Emily du groupe Madame Monsieur. Exactement. Et Aïna qui s'est un peu incrustée aussi. Ouais, non, mais là, la fin. Mais Aïna, toujours efficace, c'est pour ça que je l'aime. Et ben on l'écoute maintenant, version album, version Négritude. Voici le morceau Smile sur Skyrock. Laisse tourner le son. Où sont les sourires au pied de nos tours? C'est pour les rêveurs qui ont des nuits plus belles que nos jours. Lyriciste pente, c'est ça même, refrain. You make me, you make me. Y'a tous ces rêves que je promène. Plaidard et mon accent. J'ai pas réglé mes problèmes. Les coups j'en ai fait 400. J'ai pas tenu les promesses. Perdu dans mes passe-temps. Et quand les autres progressent, j'ai l'impression d'être absent. Tout ça n'a pas de sens et ça me donne le tournis. Comment régner parmi les araignées? Je suis une fourmi, mais toujours mon sale orgueil qui résonne comme un écho. Je sais pas si j'ai mal à mon cœur ou mal à mon écho. Tous inégaux, tous énervés. C'est pour ma tante et tout le travail ingrat qu'elle a fait pour nous élever. C'est pour les femmes qui ont apaisé mes soupirs, celles qui m'ont croisé en larmes et m'ont redonné le sourire. Refrain. Échappe à certains, pourtant il parle à d'autres. Et plus le bonheur me tend la main, plus je suis parano. À nos actes manqués, à nos embouteillages, à nos joies tourmentées, à nos coups de théâtre. Et y'a tous ces moments où je décroche, où je pense à me retirer. Je pense aux reproches et à mes proches quand mes défauts remontent. Si j'aime autant mon fils, c'est pas seulement pour ce qu'il est, mais aussi pour ce que je suis depuis qu'il est venu au monde. C'est pour mon grand frère dans le deal, pour tous ses conseils, pour tous ces gens qui m'ont fait grandir à travers les concerts. C'est pour les sœurs qui m'ont pas laissé souffrir, qui m'ont vu quand j'étais seul et m'ont redonné le sourire. Refrain. On garde le sourire et on prie même dans les pires moments. J'ai pas envie de fuir maman. On garde le sourire et on prie même dans les pires moments. J'ai pas envie de fuir maman. On garde le sourire et on prie même dans les pires moments. J'ai pas envie de fuir maman. On garde le sourire et on prie même dans les pires moments. C'est Smile à l'instant, c'est extrait de l'album Négritude de Youssoupha. Youssoupha qui brandit, si vous avez les images sur le Skyrock FM, des t-shirts à tout va. Bah, il fallait que la boutique est ouverte. C'était une semaine un peu speed, mais on s'est dit, je me suis dit, j'ai pas fait de cadeau depuis que je suis à Sky depuis lundi. Donc, c'est vrai. Les cadeaux, ce n'est pas pour toi. Ah bon? Ce n'est pas pour Momo. C'est pour les auditeurs, tous ceux qui vont envoyer via leur réseau. C'est pas pour Fab non plus. Non. Non, franchement, c'est mon gars et ça. Et puis son t-shirt. Ah oui, c'est vrai. On rappelle que tu es supporter de l'OM et que lui arbore un magnifique t-shirt du Paris Saint-Germain. Qatari. Qui est Fly Emirates. C'est pas parisien. Ça. Tu veux qu'on te rappelle, on est champion de tout là, cette année. On peut revenir sur les t-shirts, s'il te plaît. Oui, pardon, excuse-moi, je suis égal. Si vous envoyez le hashtag Youssoupha sur Skyrock, envoyez. D'ailleurs, plus vous l'envoyez, parce que vous pouvez le renvoyer plusieurs fois, celui qui l'enverra le plus souvent, dans tous les radars, on le fait gagner l'album, le suite, toute la collection, etc. Je l'ai confié à Difool à toi Fred, ou à Difool même, qui vous les expédiera. Aux deux. Voilà, pas à Momo, parce que Momo Momo il va les piquer. Nous collerons nous-mêmes les enveloppes. Exactement. Juste envoyer. Le hashtag Youssoupha sur Skyrock, bombardez. Si en même temps, si vous voulez mettre aussi un petit message avec, n'hésitez pas, bien sûr, mais juste mettez bien le hashtag Youssoupha sur Skyrock. Alors deux trucs. Déjà, première chose, Smile, le clip est arrivé. On l'a pas dit encore, mais exactement. On peut le voir sur skyrock.fm aussi déjà. Tourné au Brésil. Exactement, il est magnifique d'ailleurs. Allez voir le clip. Magnifique. Donc ça c'est arrivé. Et juste avant de présenter les invités, le terme Négritude, le nom et le choix de cet album. Donc on l'a dit un petit peu en début de semaine, c'est pas une suite logique de Noir Désir, c'est pas un volume 2 de Noir Désir. Non, c'est pas directement, mais en fait on voit c'est dans la continuité même d'une carrière. C'est vrai qu'il y a un visuel qui est proche du précédent. Ouais, parce que ça on a inventé un concept esthétique. Mais surtout, Négritude, comme j'ai arrêté pas de dire, c'est mon... Moi, c'est un peu la meilleure partie de moi-même, tu vois ce que je veux dire quand je parle de Négritude. Les gens qui m'aiment, qui me suivent dans les concerts, qui me suivent, qui achètent mes disques, ce qu'ils aiment, c'est justement que je ramène un peu mon côté quinfri, tous mes trucs. qu'on kiffe dans, chez les Afro-Américains, qu'on kiffe chez les Quinfris, etc. C'est ce que je mets dans mes disques. Et donc, quand je parle de négritude, c'est pour mettre ça en avant. Souvent, on te demande de t'effacer un peu. Et voilà, moi, je mets ça haut en couleur. Non, et puis, il faut rappeler que négritude, c'est aussi un terme qui est fort, qui est mis en place deux personnalités. Aimé Césaire. Et Léopold Senghor. Et Léopold Sédar Senghor, et qui sont pas n'importe qui. Donc, Youssoupha l'a poussé. Mais c'est pas Youssoupha qui a inventé négritude. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Et puis, c'est lié aussi à un combat, évidemment. Exactement, c'est le combat aussi. C'est le combat de l'affirmation de l'identité des Noirs, tu vois ce que je veux dire. Et ça a été des questions qui se sont posées dans la société, et française, et occidentale, et africaine. Parce que voilà, et c'est des questions qui restent encore d'actualité. Ouais, bah malheureusement. J'ai envie de dire, ouais, malheureusement, ouais. Mais voilà, et puis moi, cet album-là, c'est ma version de la négritude. Même si on est. Moi, plus je suis négritude, plus je me rapproche des gens, justement. J'ai l'impression que j'ai jamais été aussi. Oui, ça, peu importe aussi, il faut rappeler, c'est pas pour une communauté en particulier. Ouais, on m'a dit, est-ce que c'est le moment de se refermer et tout? Non, c'est pas pour se refermer. Au contraire, si jamais j'arrive pas à affirmer ça, justement, j'ai l'impression que je peux être justement dans le complexe et dans le reculement. Alors que moi, je suis dans l'avancement et dans l'élévation. Et ma négritude, c'est une bonne vibe. Et puis, si jamais la négritude était si fermée que ça, nous n'aurions pas signé Taipan chez Bombay Music. Belle transition. Pour présenter les invités, en effet, qui sont autour de cette table. Et quel plaisir de retrouver. Parce que je suis aussi un producteur de label, mon label Bombay Music. Oula. Et j'ai invité toute la famille, dont des bruyants qui arrivent derrière. Profitons un petit peu quand même de Taipan qui est là. Exactement, comment ça va, Taipan? Bah, la forme olympique, toi? En pleine forme? Bah, la forme, il faut. Hein. Toujours dans l'Est? La grande sorte. Non, je suis sur Paris maintenant. Ah bon? Je suis en Parigo, Carnavigo, ouais, tout le bordel. Et alors, ça se passe bien les trajets? Ça se passe bien. Très bien, ouais, dans mon petit 9-3 Aubervilliers. Ok. Je suis un mec du terre-terre maintenant. Donc là, on va avoir un album ghetto 9-3, quoi. Exactement. C'est-à-dire que le prochain. Album... L'album s'appelle 9-3, tu peux pas tester. 9-3, tu peux pas tester. C'est ça, ma poupée gonflable, elle a des bandanas maintenant. Bon, ça va, Taipan, tu bosses en ce moment durement? Ça charbonne très dur, charbonne dur. Je reviens avec des grandes bêtises, tu vas voir tout ça. Mais très, très. Que devient ton amie, ta copine qui était venue dans le Planète Rap, là? Comment s'appelait-elle? J'ai oublié déjà. Elle s'est fait tourner. Jessica, à Lille, je crois. Ouais, elle a fini à Lille, salement. Ça finit d'en fait entrer la cuisine. Alors, je rassure toutes les ligues féministes, il s'agit d'une poupée gonflable. Enfin, en même temps, les rassurer, ouais, je suis pas sûr. Ouais, c'est même pas sûr. Je crois que c'est déjà joué, même quand même. Voilà, c'était une copine, quoi. Ouais, on s'entendait bien. Franchement. Mais ici, elle a pris du bon temps. Hein. C'est bien marré hein, pendant cette semaine. On va pas faire l'émission sur ça quand même. Hein. Non. C'était juste voir des nouvelles. C'est de son Jessica. Amour de vacances en fait. C'est ça en fait. Pendant qu'il parle, continuons à envoyer Youssoupha sur Skyrock. Hein, en hashtag. Ou, voilà, et alors, continuons les présentations surtout, Youssoupha. Ouais, on va présenter. On va arriver sur monsieur et madame après. Il y a NASA qui est là. NASA et Que Black. Ouais. On va commencer par NASA. C'est l'équipe Bombay Music qui vient du Six Bull. C'est des nouvelles recrues. C'est au des sein nouvelles de... recrues, ouais, exactement. Des kickers, chanteurs congolais de surcroît, tu vois. Personne n'est parfait, on est tous congolais. Et voilà, ils vont se présenter bien de même. Hein, alors on commence par Kick Black. Bonsoir Bruno. Ça va? Ouais, ça va et toi? En pleine forme? Ouais, toujours la forme. Bon, on a entendu certains morceaux aussi hein, déjà qui ont été balancés. Mm-hmm. Ouais. Et est-ce qu'on peut avoir un petit CV express? Un petit CV, bah moi je m'appelle Kick Black, je suis une nouvelle signature de Bombay Music. Je suis très content d'avoir signé. Tu viens de l'Oise? Ouais, de l'Oise, ouais. Je suis un Picard. Ah, oh là là. C'est pas un facile. Picard congolais. Ouais. Tu vois, le Bombay Music comme corps et l'envers. Hein. C'est un beau mélange. Ouais. C'est un magnifique mélange. Il n'y a que des gens de province. Oui, c'est vrai. Lui, il est Picard, Metz, Taipan. Et elle vient du 7-7. Tu vois, il n'y a que des gens. Mais Taipan a rejeté son côté Messence vinyle. Et 9-3, tu peux pas tester. Donc, Que Black. Donc, toi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a déjà un EP qui est arrivé. Il y a des. Et il y a mon projet qui sort le 28 mai qui s'appelle TVB saison 2. Avec 7 titres. Et dont des clips qui vont arriver avant pour donner un peu l'eau à la bouche. Et voilà. Je crois qu'on écoutera un morceau de Que Black aussi. Ouais, on va le faire en live en fait. Ah, c'est un morceau en live. Ouais, on va faire Tout va bien, dont tout le monde va parler. Tout va bien. C'est l'un des morceaux sur lesquels on a pété les plombs ces derniers mois, qui continue d'ailleurs à buzzer fort parce que c'est un excellent morceau. Et Que Black, ce qui est bien, c'est que il rappe, il chante divinement bien et voilà, et il mélange. Argot, français, lingala, c'est quoi ta langue, frère? Je sais pas. C'est Picard, il t'a dit. Ouais, c'est Picard, ouais, la Vidoine, c'est un truc de fou. Bref, en tout cas, nous, on pète les plombs sur les personnalités comme ça. Et puis, il a son acolyte NASA qui est toujours avec là aussi. Et voilà, qui va se présenter, le chevelu. Petit CV Express, pareil. NASA, pareil, ça vient de Creil. Voilà, ça voilà. C'est des cas de crise. On est content d'avoir signé. Voilà, bien. On dirait qu'il vient de braquer une banque. On est content d'avoir signé. D'ailleurs, ça se voit dans la dentition. Une partie des avances. Une partie des avances qui sont passées. Il a mis ça dans les dents. Mais vas-y, c'est les Congolais. Là, bon, bah, bienvenue en tout cas à vous deux. Ça va kicker, ça va kicker. Et derrière, ils sont dissipés. Présente-les tout de suite. On les connaît, mais. Je préfère qu'ils se présentent eux-mêmes. Moi, je présente. Il n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. C'est quand même incroyable, quoi. Oh. On va faire les disciplines, on est à l'école, on va rester dans un coin. Ça va, monsieur Alfredo. Attends, par qui je commence? Doucement, on va commencer par l'homme qui vient de loin, le Bordelais. Sam. Le maître du suspense. Quoi qui sort à peine du TGV. Ouais. L'instant même. Non, true story. Sam, comment ça va? Ça va, toi, Alfredo? Comment ça se passe à Bordeaux? Ça va, il fait beau, les oiseaux chantent. Un nouveau stade, ouais. Ouais. Très beau. On va y aller en plus ce week-end. Non, mais en plus, c'est vrai, je serai sur Bordeaux pour aller voir le nouveau stade ce week-end. Ouais, c'est vrai. Bon, on a une séance dédicace au Cultura de Bordeaux. Je crois, c'est quand c'est samedi, je crois. Samedi. Et le soir, du coup. Sam sera là aussi, il sera présent. Non, pas spécialement. Non, j'ai ma vie aussi. Ouais. J'ai le droit de vivre. Je l'assume pas toujours, hein, Sam, ça. Hein. Faut pas croire. Hein. Bon, Sam, ça bosse aussi dur. Hein. Ouais, là, l'album, il est fini. Il est fini à, on va dire, à 98%. Donc, on a déjà balancé des extraits. Un premier extrait, on a balancé sous forme de EP. On va continuer à balancer quelques gestes. Et puis, vers la rentrée, on va voir comment on va goupiller tout ça. Sam, c'est très, très bon. Sam, c'est vraiment relou. Heureusement, il rappe bien, parce que franchement son album par contre c'est un truc de ouf. Je me permets de. C'est vrai. Ouais, mais parce que je dis tout le temps du mal. On n'a pas un morceau aussi à passer. Ah si, on va se passer un petit morceau là, mais Sam, voilà, il rappe bien, heureusement. C'est dur. C'est parce que le reste, il est vraiment insupportable. Mais il est très calme. Le déclenchement, je trouve très calme. Non, mais moi, t'as vu Fred, tu connais. En plus, hier soir, on parlait de toi avec Aïna, on disait que du bien. Mais quand quelqu'un il gêne trop, tu vois, on essaie de lui donner des mauvais attributs. Ouais, je suis devenu un petit canard, mais. Mais on t'aime bien, Sam, tu sais. Ah, je sais, je rigole. On t'aime bien. Et moi, je l'aime pas, moi. Et continuons aussi avec Espy, qui est l'acolyte sur scène, mais pas que. C'est pas mieux. On s'arrange au fil du temps, ça. Est tout depuis. C'est de se calmer. Ça va ou quoi, Frédérico? Eh ben, système. En forme et toi, hein? Ouais, ça va, propre, hein, tranquille. C'est sorti de blaze à l'ancienne, c'est ça? Ouais, exactement. Okay. Ça fait du bien pour les nouveaux auditeurs. Bon, toi aussi, il y a un projet qui arrive. Ouais, l'album, il arrive là. Mmh. L'album, il arrive le 12 octobre. On a déjà la date. Demain, je balance le premier extrait à 18h. Donc demain, premier extrait officiel de l'album. Extrait officiel de l'album, dispo sur le net. Ça fait longtemps qu'on attendait l'album du Ice. Bah, il arrive le 12 octobre. Il va s'appeler le morceau qu'on écoutera demain. Il va s'appeler Bif. Bif. Ouais, Bif. Ah oui. Il est dur, commence à lâcher les lyrics. Négritude, t'as vu? Négritude, en fait. Parce que là, tu fais un peu long, là. Donc, non, sinon, on est là, Fred, tranquille. Eh bien, bienvenue aussi. Et puis, d'autres personnes. Est-ce qu'on les présente maintenant ou on met un morceau d'abord? On met un morceau et après, on va s'écouter des petits extraits comme ça. Bah, très bien. Pour dire que Boumaïe est dans la variation. Eh, vous continuez à bombarder sur Youssoupha sur Skyrock. Là, je vois beaucoup d'hashtags. Franchement, les bails sont là. T'as vu, on les voit à l'image. Momo fait cadre un petit peu, c'est magnifique. Sur les t-shirts, tu vois. Jean-Jacques M. Salem, tu vois ce que je veux dire. Il est en train d'envoyer mon portable. Pat Le Guen. Plutôt Pat Le Guen. Plutôt Pat Le Guen, ouais. La vie d'Ouab. Allez, on balance quel titre? On va se balancer le score. Le score? Ouais, comme ça, ça va un peu nous mettre fly. Comme et après, il y a encore deux autres invités, on les présente. On les présente juste après. Ok. Pareil qu'il faut s'y plaire, qu'il faut l'accepter, faut s'y faire. Combien renoncent, choisissent la facilité, la rêver un peu plus belle. Oh, aujourd'hui ma vie n'est pas celle que j'imaginais, celle que j'imaginais. Je garde la foi, ne veux pas céder. J'ai dû tenir le coup, lutter, me battre, apprendre à ne pas céder. Rester debout, les poings serrés, résister. Je fais le tour du monde, mais j'oublie pas ce que la vitesse cache. Qu'en cas de crash, on crève en premier dans la business class. Avant que j'éclate, on me voyait pas malgré mes 5 pixels. J'rappais comme un fantôme, un putain de MC Patrick Swed. J'ai plus le time pour les rêves et les regrets. Ah, je me rachète plus moi. Kinshasa Karma, 243 degrés sous mes baskets Puma. La juge m'accorde un non-lieu. Les rages bavent, oh mon dieu. Pendant qu'il rage, je rappe au jazz festival de Montreux. Pendant que la critique cause, Philo m'a tout appris, ma gueule. Et moi, si j'étais né Michael, il serait Quincy Jones. Alors je viens ici, je pose, vicieux, t'as failli merder. Je touche les cieux et ma liberté. Ambitieux jusqu'à la muerte. Parolier. Paraît qu'il faut s'y plaire. Yeah. Qu'il faut l'accepter, faut s'y faire. Ça même. Combien renoncent, choisissent la facilité, la rêver un peu plus belle. Oh. Aujourd'hui, ma vie n'est pas celle que j'imaginais. Celle que j'imaginais. Celle que j'imaginais. Je garde la foi, ne veux pas céder. Ne veux pas céder. Ne veux pas céder. J'ai dû tenir le coup, lutter, me battre, apprendre à ne pas céder. Ne pas céder. Ne pas céder. Rester debout, les poings serrés, résister. Entre le cœur, la monnaie, trop de doutes bousillent l'ambiance. Trop d'argent tue l'amour, trop d'amour tue le compte en banque. Diffuse l'info, la nouvelle frappe, c'est mon karma qui l'impose. J'ai tellement de flow, chaque fois que je rappe, on dirait quelqu'un d'autre. Combien de vitrines, combien de parades, combien de victimes, combien de balafres. Ils veulent clore notre horizon. Combien de critiques, combien de barrages. Alors je pète le score. En indépendant, monsieur l'agent ramadan, je suis innocent en attendant le tort. Faut que je me valorise, faut que je m'élève, j'arrête le sky, je suis beaucoup trop célèbre pour être alcoolique anonyme. Continue de tanguer, tanguer. Ma sœur, t'es tanké, tanké. Ils rêvent tous de la vie de gang, je rêve de banqué, banqué. Parolier. Paraît qu'il faut s'y plaire. Parolier. Qu'il faut l'accepter, faut s'y faire. Combien renoncent, choisissent la facilité, la rêver un peu plus belle. Oh. Aujourd'hui, ma vie n'est pas celle que j'imaginais. Celle que j'imaginais. Je garde la foi, ne veux pas céder. Ne veux pas céder. Ne veux pas céder. J'ai dû tenir le coup, lutter, me battre, apprendre à ne pas céder. Ne pas céder. Ne pas céder. Rester debout, les poings serrés. Ne pas céder. Ne pas céder. Ne pas céder. Ne pas céder. Ne pas céder. Ne pas céder. On s'en sort, fais péter le score. Kema, Kema. On s'en sort, fais péter le score. Fais péter le score. On s'en sort, je fais péter le score. Fais péter le score. On s'en sort, je suis en plein essor. Kema. Ouais. Youssoupha avec nous entre 20h et 21h et l'album Négritude. Et puis ce morceau avec Némir qu'on salue aussi. Ouais, grave. Et dont on attend depuis tellement longtemps aussi, pareil, son album. Némir, il est bon, mais il est long. Mon gars, long. Némir. Qu'est-ce que tu fais, Némir? Il est trop bon. C'est, pour moi, c'est l'un des meilleurs de sa génération, si ce n'est le meilleur. Il sait chanter, il chante, il rappe. Il rappe, mais comme c'est pas possible, de toute façon, sur ce morceau-là, pour moi, c'est lui qui fait tout le taf. Moi, j'ai rien qu'à le suivre. Et puis voilà, en tout cas, un gros big up à Némir, à Perpizou, à Enzo, toute son équipe, etc. À Nodek qui a fait la prod de ce morceau-là, qui va tourner tous l'été. Et voilà, très très lourd, très très lourd. Bon, beaucoup d'invités, on vous les a présentés une partie, je crois qu'il en reste encore deux. Ouais, ouais, ouais. Une fille et un garçon, parce une que fille. Eux, c'est particulier, c'est Planète Rap, mais aujourd'hui on a invité, parce que c'est l'équipe Beaumaye Music aussi. Déjà, je tiens à placer une dédicace très importante à Bana C4, qui est aussi un groupe de notre, ouais, de notre label, mais surtout une particulière à Dibraz et à sa famille, à qui on pense très très très très fort. Je sais qu'il, je sais pas s'il a le temps de nous écouter, parce que voilà, c'est pas facile. En tout cas, sache frère qu'on est avec toi, on est avec vous, je sais que les Bana C4, ils sont tous avec toi, en tout cas voilà quoi, sache que t'as notre force pour toi et ta famille. Voilà. Donc là ça commence à faire une grosse équipe maintenant au sein de Beaumaye. Exactement, ouais. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs monté un studio, mmh, qui s'appelle le Building, là on a mis nos bureaux, etc. Ça nous a pris pas mal de temps. Ça nous a pris pas mal d'argent aussi, mais on a tellement d'artistes autour de nous qui proposent des concepts forts et des chansons fortes, et voilà, qu'on était obligé de se structurer. Et Lassana s'est occupé de monter le studio qui s'appelle le Building, dans lequel des fois on peut retrouver ces deux Viner. Alors, qui s'appelle J. Max VI Salomé, je t'aime. Commence par la fille quand même, espèce de goujat. Pas galant, pas galant. Hein. Oh là là, je te jure. Voilà, en fait, juste avant qu'elle se présente elle-même, en fait, en vrai, Jay et Salomé, je les ai rencontrés parce qu'ils faisaient des vines. J'ai rencontré d'abord Salomé qui m'imitait. Donc, c'est des petites vidéos, hein, je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas encore. Voilà, c'est des vidéos de 6 secondes où il faut faire rire les gens pendant 6 secondes. Ouais, c'est très compliqué parce que 6 secondes, normalement. Ouais, toi, tu n'y arrives même pas en 60 minutes, par exemple. Tu vois ce que je veux dire. C'est impossible. Elle y arrive en 6 secondes. C'était quoi le petit de scud que tu m'envoyais là? C'était, non, c'était gratuit. C'était gratuit comme ça. Alors attends, je note. Non, t'inquiète. Ne t'inquiète pas, mais moi ne t'inquiète pas non plus. Avant 21h. Et bref, en tout cas, au-delà des vines, j'ai juste remarqué qu'au fait, que ça soit Salomé et Jay qui vont parler, il y a plein de gens qui me demandent, mais pourquoi tu signes des vineurs ou quoi que ça? Moi, je les vois pas comme des vineurs, je les vois comme des entertainers. Mmh. des amuseurs, parce qu'à côté de ça, ils font des chansons, on fait des blackout in party, c'est des événements avec plein de jeunes qui viennent danser. Salomé, elle fait de la comédie. En fait, en vrai, aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui a plein de cordes et qui, à son arc. Et qui maîtrise tellement de trucs quand exactement. Tu les vois. Moi, ils montent leurs vidéos eux-mêmes, ils... En fait, ils te l'expliqueront, mais moi, en fait, dans leur univers, je fais rien, en fait, à part les produire et financer, mais je fais rien, et ben, ils vont te l'expliquer eux-mêmes. Enfin, financer des trucs de 6 secondes. Oh là là. Allez, un partout. Voilà. Excuse-moi. Salomé, vas-y, prends la parole. Je suis désolé pour les. Ça va bien, Salomé? Oui, ça va. Bon, est-ce qu'on peut avoir un petit CV express de toi, Salomé? Okay. Tu viens d'où? Ce que tu as fait? Ce que tu comptes faire? Alors, moi, c'est Salomé, je t'aime. Je viens du 7-7, mais ça y est, maintenant, je suis une fille de Paris. Une provinciale, je suis une provinciale. Ça, tu vas te mettre bien avec les gens. En même temps, tu les connais bien, les mecs du 7-7. Ouais, mon manager, il est du 7-7. Ça va, tu connais bien le 7-7. Ouais, grave, laissez le 7-7 tranquille. En plus, on habitait dans la ville à côté, hein, avec la Sana. Ouh là là, ce qui dépasse. Tu sais, tu connais la petite maison dans la prairie. C'est même pas vrai. Voilà. Les talents purs viennent du 7-7. Ah, on a beaucoup. Bien, la Sana, bien. Je vous le dis. D'ailleurs, sur le Skyrock. Le hashtag Skyrock, Skyrock mettait 7-7. Vous allez voir, il y aura trop de monde. Oui, relançons, c'était quoi ce hashtag qui cartonnait là dans le 7-7 là? Il y en avait un qui cartonnait à un moment. Quand t'es dans le 7-7. Quand t'es sur le 7-7. Mais du coup, il y a du réseau dans le 7-7 quand même pour envoyer le hashtag. Je demande son 1G. J'ai envoyé mes vines, donc ça va. Ouais, ouais, il a envoyé. Vas-y. Allez, Salomé, vas-y, attaque. C'est parti. Et puis, voilà, je viens de. De signer chez Beaumaillé. T'es toute jeune, t'as quel âge toi? 19 ans. 19 piges. T'as encore 19 ans, Salomé? Mais oui, on les a fêtés ensemble en plus. Non, mais je te jure. Mais ils font tellement de trucs, moi j'ai l'impression, je sais pas, ils ont 30 ans, je sais pas. Alors Salomé, en 6 secondes, fais-nous rire. Oula. C'est des trucs horribles. Ouais, là je te jure. En 6 secondes. Je compte 3, 2, 1. Non, mais non, allez voir sur. Ouais, faut aller. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Où est-ce qu'on peut mater? Sur tous les réseaux sociaux, c'est Salomé, je t'aime. Salomé, je t'aime. Et en réseaux sociaux, ils sont trop forts. Ils me dépassent de fou. Ah non, mais j'ai vu. Non, mais c'est phénoménal. Non, mais je te jure. Faire quelque chose pour nous. Un message en disant suivez-les. Et non, mais ouais. Franchement, une petite recommandation pour Fred. Ouais, ça me ferait super plaisir, franchement. Et à côté d'elle, il y a. Jason, J-Max, V. J-Max, alors ça va et toi? Bah ouais, en forme. Tranquille. Bah moi je me présente vite fait. Je viens de Lille, de base. Décidément, la belle de province. Maintenant je suis de Paris, je suis un parisien, un parigo. Et voilà, Viner, qui se convertit en youtubeur aussi un peu. Et on a un groupe qui s'appelle Askiz Family. Tous les mercredis, vous pouvez nous voir sur YouTube à partir de 18h. C'est des petites vidéos sur YouTube marrantes, assez marrantes. C'est pas 6 secondes cette fois-ci. Un peu plus long. Et bon, on ira cliquer en tout cas. Allez les suivre parce que, à mon avis, ils risquent de compter dans les, dans les mois, dans les années qui viennent. Parce qu'en fait, en vrai, ça part de Vine, mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Mist, il avait pas un petit extrait de. Tu as quelque chose de ce que fait Jay et Salomé quand ils font leurs conneries. On n'entend pas très bien Mist. Pull up moi ça. Que, voilà. Moi, nous, on n'entend pas Mist. Ouais, est-ce que tu veux être plus fort ou. Mist, il a refusé. Alors, en fait, tu sais quoi, on fait ça juste après la pub. Parce qu'on a la pub en speed, en speed et on revient juste après. Vas-y, comme ça. Youssoufa sur Skyrock, le hashtag, allez-y, bombardez. Yeah. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Youssoufa pendant une heure complète ce soir. Planet Rap Youssoufa. Avec l'album Négritude qui est sorti depuis lundi, l'album de Youssoufa avec beaucoup d'invités soir. Il cartonne bien l'album. Et il marche fort. Je remercie encore les gens. Continuez. T'as vu, la semaine, elle n'est pas finie. Même le mois, l'année n'est pas finie. Mais voilà, cette semaine est. Voilà, elle est importante pour nous, on la porte. Et puis voilà, pour l'instant, le disque, il est numéro 1, mais il faut que ça continue. Et il faut que ça dure. Et merci à vous de nous porter. Voilà, vous pouvez le pécho sur iTunes, dans les Fnac, dans les Auchan, un peu partout. Franchement, merci. Ça nous pousse tous, en tout cas chez Beaumont Music, ça me pousse moi. Et puis c'est une belle aventure. Et merci pour les retours positifs que j'en ai. Je peux en placer une? Ouais. Ok, excuse-moi. C'est un peu tendu, je sais, pour ça que je te demande ce soir. Il est fou ce gars. Est-ce qu'on mettrait pas enfin l'extrait, puisqu'on présentait juste avant la pub Salomé et Jay qui sont avec nous aussi. Ah, un petit extrait comme un ça. Un petit extrait, mais c'est bon, cette fois-ci, normalement, tout est réglé, on peut écouter. Je suis plus clair qu'elle. Eh, hey, pull up, DJ Mist. Mets-moi un autre, c'est celui qui arrive là, T'as pas besoin besoin de prendre de gants, ni même essayer d'être élégant. Tout ce qui te fascine, c'est l'argent. Poula, DJ Mister. Vous voulez retourner des Planète Rap, c'est mon Planète Rap. Les Viders, trouvez Planète Vine, tout ça. Voilà quoi, mais bref. Allez les suivre. Rappelez vos adresses, donc Salomé, je t'aime. Salomé, je t'aime sur tous les réseaux sociaux, voilà. Sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Et pour toi, Jay? C'est JayMaxVI, tous les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Pour aller retrouver justement. Ils sont bons, hein. Ils sont très forts. Ils sont très très bons. Merci. RT, cliquez, suivez, ouais, followez. J'ai confiance en vous. Faites ce qu'il y a à faire. On a promis un morceau de Youssoupha maintenant. Il y aura Sam aussi juste après. Puis le live qui se prépare. Exactement, beaucoup de programmes. Et puis Youssoupha sur Skyrock continue. Il est déjà 20h30, donc faut qu'on active un peu. T-shirt et tout ça. Vas-y, viens, on balance le morceau à cause de moi maintenant. C'est extrait de l'album Négritude, c'est dans les bacs depuis lundi. Ils font du bruit à cause de moi. Youssoupha. Ils font du bruit à cause de moi. Ils font du bruit à cause de moi. Y'a cet amour qu'on éparpille. Y'a cette musique dans la poitrine. Ce hip-hop n'est jamais parti. DJ Myth laisse encore tourner la platine. Donc, prends ce titre comme une première danse. Et tant pis pour les écrits et ce que les rebelles pensent. Ils veulent au pire que la relève flanche. C'est pour les jeunesses d'Afrique, c'est pour les jeunesses France. Et si ce pays me pousse à la faute, à cette occasion mon avocate sera Olivia Pope. À ce qui paraît c'est notre faute, ça me concerne. Tous ces jeunes dans mes concerts, ils font du bruit à cause de moi. On voit pas les choses telles qu'elles sont, on voit les choses telles que nous sommes. C'est pour les femmes et les hommes qui ont défié la foudre et qui dansent encore au milieu de la foule. Alors on respecte tous ceux qui respectent notre culture, je rappe à l'excès. Et mon présent sera leur futur, on n'est pas sectaire. Leur vision du monde est alléchante, mais je suis perplexe. J'ai connu le rap à l'adolescence et j'ai pris perpète. Expert, on assure le récital, mais on est encore boycotté dans certains festivals. Je me rends, monsieur l'agent, dans mes concerts, y'a tous ces gens qui font du bruit à cause de moi. Ils font du bruit à cause de moi. C'est ça, mais. Ils font du bruit à cause de moi. Ils font du bruit à cause de moi. On est seul face au monde entier. Seul face au monde. Seul face au monde. Et le monde entier se met à chanter. Love music, love music. On est seul face au monde entier. C'est ça même, hein. Et le monde entier se met à chanter ça. Va leur dire qu'ils font du bruit à cause de moi. Ils font du bruit à cause de moi. C'est ça même. Ils font du bruit à cause. Yeah. Ils font du bruit à cause de moi. Boumaï et musique. C'est Youssoupha, ah ouais. L'album Négritude à l'instant, un extrait, ah ouais. À cause de moi. Ouais, jolie petite balade. Exactement, tranquille. Tranquille. Ça va être très très calme dans les concerts, ça. Oui, ça très calme. Bon, Youssoupha, on va passer le morceau de Sam's dans un instant. Juste avant, on va aller très vite avec Yessima de Granville qui est par téléphone. Salut Yessima. Yeah. Salut. Ça va Yessima, en pleine forme? Bah, toujours et vous. Est-ce que tu es prête à tout déchirer en une minute? Parce qu'on est déjà très à la bourre, il y a du live après. J'ai confiance. Elle est très forte, Yessima. Tu l'as jamais entendue? Ah non, c'est la première fois. Elle est déjà passée dans Planète Rap, très forte. Allez, on t'écoute. Vas-y. En plus, je crois que tu as choisi une instru. J'aime bien cette instru. Qui est pas mal, non? Ah, j'aime bien. Granville, 2-0-1-5. Santé. C'est plus les idées claires, comment à son prix tu te parles? Par réclamité, cher, moi je sais que ton prix dure pas. Lesquels sont vraiment bien, trop vite, ils parlent complet. Je d'autres sont en vide. J'espère que mes verres pleins vont finir par le complet. Jusqu'à une barre est en force, ça me rend ouf et parano. Dites bien au grand méchant loup qui va faire bouffer par l'agneau. Je te file même pas que tu te lâches, il en pâtisserie. Je vais me venger sur un financier, mais pas en pâtisserie. Qui défend quand on qu'une reste à attaque. Attends, attends, là je mets les pieds dans le plat, donc tu restes à table. J'ai méprisé des merdes, faut plus criser des nerfs. Les stars prennent pour Moïse, moi je les ai vus briser des mers. Faut des euros, abriter les proches, parler que des j'étais de Brad Pitt. Certes, amour gardé de haut, mais j'étais pas petite. Faut fonder famille, même si qu'accroche, je laisse à l'outil. Je garde les yeux bien ouverts, même si la drogue m'est alourdie. Si je sors une arme, même le pour un sprint, j'évite d'être maladroite, j'ai que les mots blés, je fais des boulettes que pour un spliff. Je désire fort un grand polter, j'ai classe matinée. L'avenir appartient à personne, j'fais que des grasses matinées. Faut que je parte en taille, j'ai pas le temps de taille. Si je dis que je veux des grosses coupures, certains croiront que je parle d'entaille. Certaines grimaces c'est pas le tas de Saint-Jacques. J'ai péché vente d'olivettes, mais c'est pas de la Saint-Jacques. Ok, quand je rappe, je conne des bouches, hein. Je continuerai devant tes 25 tant qu'on aura pas réveillonné comme des bourges. Yesim. Yeah. Bien Yesima. Hein. Merci d'avoir honoré l'instru. Bravo Yesima. Bravo, bravo, bravo. Ça même. Ça fait plaisir. Ah merci, c'était la première fois que j'entendais, j'ai bien aimé. Rappelle-nous, on peut te suivre Yesima pour avoir plus. Bah Yesima sur Facebook, toutes les actus vont être dessus et il y a ma chaîne YouTube où c'est pareil Yesima. C'est Y-E-S-I-M-A. I-M-A, c'est ça. Et bon, on ira suivre. Merci à toi Yesima. De rien. Bonne soirée. On avait promis le morceau de Sam's avant de passer au live. Oh ouais. Est-ce qu'on a le temps de le passer? Sam, ça a le temps de passer le morceau. Ah, il est long. Tu passes ton temps à discuter. Le mec est là, il fait le tour du studio. On peut ne pas perdre du temps avec lui. J'ai envie de freestyle. Alors, le morceau, Sam, c'est juste un petit mot et on le balance rapidement. Vas-y, on va faire en rapide. Le morceau s'appelle Melody avec Yous et Fefe dessus. C'est un extrait de l'album. Dieu est grand. Et bon, on arrive à la rentrée. On le balance qui arrive. C'est parti, Sam's. Sam's. Là, je l'aime bien. C'est Sam's. Yema, tu es grand. C'est ma mélodie. Je t'invite à chanter. Elle accompagne plus qu'elle ne change le monde. Dans toute cette folie, elle est comme un sentier. Elle est comme un sentier. Quand les routes pavées se confondent, yeah. Et jusqu'au bout, jure. Seul tant qu'elle me porte, non. Jamais seul, tu es grand. Non, jamais seul tant qu'elle me porte, ah non, jamais. Seul, mais je crois ce n'est qu'un. Jamais seul tant ce qu'elle me porte. Elle s'exprime dans mes pleurs, mes rires, c'était pas tant. Tu la ressens dans mon pouls, mon cœur et ses battements. M'éclaire même dans le flou, j'ai pas peur, je suis un battant. Ils pensent que je suis fou, des beaux parleurs, t'inquiète pas, moi. Seul dans mon monde, parfois distant, je dois le reconnaître depuis. Je fais mes factures, j'ai la phobie des boîtes aux lettres. Et je me dois d'être honnête, la critique est impartiale. Je ne rentre pas dans leur panel, je pompe public comme ascenseur social. Déchaîne mes passions, la zik apaise mes tensions. Envie de croquer le monde et le bonheur, ne serait-ce qu'une portion. Je ne suis pas le messie. Pas les notions, ne soyez pas déçus. Je ne suis qu'un ange déchu à la recherche d'émotions. Message de paix, mélange des peuples, reste légal. Yema, un banlieusard originaire du Sénégal. Yema, fais-nous rêver et voyager. C'est ce qu'ils m'ont dit en boucle. C'est le sample de ma vie, ça. C'est ma mélodie. Je t'invite à chanter. Elle accompagne plus qu'elle ne change le monde. Cette folie. Dans toute cette folie. Comme un sentier, quand les routes pavées se confondent, yeah. Et jusqu'au bout j'irai, yeah. Jamais seul tant qu'elle me porte, non. C'est pour les rues de Casablanca. Jamais seul tant qu'elle me porte, ah non, jamais. C'est jamais seul tant qu'elle me porte. Ça m'est. Mandela avait un glaive, maman avait une larme, Martin avait un rêve, Malcolm avait une arme, Malik avait un père, Marianne avait un masque, Shakur avait une mère, et Youss avait un mic, pourtant, je suis ni rebelle, ni trop marginal. Et je ne vais pas changer le monde puisque j'en suis la bande originale. Schnark, ceux qui salissent mon nom, je vais pas trop brailler. Personne peut plaire à tout le monde à part Stromae. Bomaye, c'est mon label, c'est comme ça qu'on m'appelle. Bomaye, c'est toute ma peine qui me chasse à la pelle. Et je te rappelle que même si on ne fait pas les mêmes choix, les mêmes peines nous unissent plus que les mêmes joies. Est-ce qu'on est triste parce qu'on écoute de la musique, ou bien est-ce qu'on écoute de la musique parce qu'on est triste? C'est ma vie d'artiste dans le centre de ma ville. Démarre vite, c'est le sample de ma vie, ça. C'est ma mélodie. Je t'invite à chanter. Elle accompagne plus qu'elle ne change le monde. Rime, parole et S-A-N-S. Dans toute cette folie, elle est comme un sentier. Ça même. Quand les routes pavées se confondent, et jusqu'au bout j'irai. Yaman, tu es grand. Jamais seul tant qu'elle me porte, non. Je suis grand. Jamais seul tant qu'elle me porte, non, jamais. C'est le 33. Jamais seul tant qu'elle me porte. Sams Fefe Youssoupha à l'instant. Bien bon. C'est un extrait du projet de Sams. Ouais, Dieu est grand qui arrive à Dieu la est grand qui arrive à la rentrée. Exactement, Inch'Allah. Spécial dédicace à Fefe. Merci. Un refrain incroyable. Ouais, super bon morceau qu'on retrouvera aussi, qu'on rebalancera sur Skyrock, notamment dans la Nocturne. Faites-vous plaisir. On en reparlera demain, mais soyez au rendez-vous, il va se passer quelque chose aussi dans la Nocturne. Ouais, parce qu'il y a un morceau qui s'appelle Point commun qui continue à intriguer les gens. Mais Samsi aussi pour quelque chose un peu à cause de cette intrigue. Donc, mais réponse dans la Nocturne vendredi soir. Exactement. Je viendrai peut-être moi-même prendre la parole pour vous donner. Toi-même, le vrai. Ouais, le vrai Youssoupha. Ouais. Est-ce qu'on est prêt pour le vrai Moustapha? On est prêt. Allez, on attaque. C'est parti maintenant. Yeah. Mist. Ok, Prims, parolé le lyriciste Pantou. Négritude dans les bacs, yeah. C'est ça même, Bomaye Music dans la place, yeah. Ok, yeah. 1. J'arrive seul sans équipe. La police, les bolides, les prolixes, les laisse dans les clips. Get dans le sky, c'est l'éclipse. Retour au bercail, c'est pour toutes mes racailles et mes kids. Paye-moi mes pailles en liquide. Amine, seul Dieu me taille et me guide. Amine, je fight et je crie, je fly et je prie, je craille et je braille, mais je prie. Amine, rien que je débite pour mes types des favelas. Je rappe en orbite, afrobeat comme Fela. Karma de kin, je suis le king Mandela. Quand je kick, mon équipe kiffe en acapella. Les choses s'enveniment, escrocs de l'an 2000. Aveugle, ils me veulent, mais je touche dans le mille. Négritude est traquée comme le diamant du Nil. Moi j'arrache, cache le panier à la Shaquille O'Neal. Ok, yeah, entre les voyous et les vixens. 1. Le paradis en 10 millions de pixels. Ok, yeah, les putains d'yes week-end. La promesse est ricaine, la foi reste africaine. 1. Peu de remords, je reste tranquille. Eh, si le rap est mort, je reste en vie. 1. 4 albums, c'est le changement. C'est juste un éternel recommencement. Blood on the dance floor, cadavre sur la piste. On ménage pas les efforts, bonhomme prend le risque. Je les dévore, ces bâtards, rien qu'ils disent que le rap n'est pas mort avec l'industrie du disque. Digari du Sénégal, quoi qu'on dise. J'tise du Bissab, couronne orange sanguine. J'suis pas dans la bicrave, j'suis pas grave dans le biz. Moi mon rap, c'est ma frappe, ma meilleure marchandise. Gros, j'ai esquivé tellement de coups de crasse. Trop sous-estimé, donc ils m'écoutent pas. J'rappe pour les cousines à la LL Coody. J'donne la parole à la daronne, mama knock you out. Connexion du Queen Skin, quelle bonne idée. Je mélange Mob, dis pas Kofi Olomide. Ah, quatrième album, pas de changement. C'est juste un éternel recommencement. Prims parolier, le lyriciste Bantou. Négritude dans les bacs depuis le 2 mai. Il est numéro 1 au top et c'est grâce à vous. On continue. Taipan, Taipan. Oui, oui. Je veux faire de la thune pendant que je dors comme un bébé rhum. Merde, j'avoue que cette rime elle est conne. Je veux faire de la thune pendant que je dors sur l'effet des drogues comme un bébé rhum. On la garde, elle est bonne. Des fois je me sens comme un gosse en bas âge, obligé d'en faire trop comme un pétomane dans une chambre à gaz. Comme une chambre à gaz avec du gaz hilarant. Comme une claque dans ta face avec de la crème hydratante. Une claque comme le jour où t'apprends que ta femme te trompe avec une file d'attente de la CAF. Une bataille de boules de neige à Tchernobyl. Une taf de crack avant ton petit déj au lit. Une pause clope comme l'emploi du temps du pape. Écoute bien, je veux pas finir comme un gros débile incompris. Comme une prophétie dans l'aboiement d'un chien, tu sais. La vie c'est dramatique et rigolo, je me sens comme comme une boîte à meufs dans une voiture qui fait des tonneaux. Une fleur de clown qui t'arrose avec des douilles. Un ange qui galère à voler dans le ciel à cause de ses grosses couilles. J'ai fait la guerre pour qu'on me foute la paix. Hey, les gens sont lourds, j'ai besoin de légèreté alors. Fous-moi la paix, t'essayes de me vendre un rêve. J'suis déjà équipé, j'prends n'importe qui sur terre qui voudrait m'influencer. Comme une fémène avec une ablation, ma mère. Hey, j'suis d'accord qu'à moitié. Ma gueule. Le gars s'appelle Taipan et maintenant on va du côté de Six Bull. Yeah. Nazareth, ça dit quoi? On est NASA. NASA. NASA. NASA. NASA. NASA. NASA. NASA. NASA. NASA. NASA. NASA. NASA. NASA. NASA. NASA. Créateur de l'ombre, y'a du sang qui va couler. Qui va couler. NASA dans le game, mais pour vous c'est pas coulé. C'est pas coulé. Eh NASA, tu connais le name. Fais pas les blaires ou on t'y sort les nines. Keba keba, tu connais les vibes. Six bull, one blé zéro, c'est l'industrie. Pandou, prod, y'a que ça qui me distrait. T'as pas boosté, je m'en fous, je vous ken tous. Je vous ken tous. T'es mort dans le film et dans le making of. C'est que le début, mais je mets ton king of. Laisse le jeu de Maloman. De la zig, je suis les mélomanes. Oui, je fais mal au man, je force la feuille et le soir, je fais mal au man. Je me pavane en jeu de mots, pour moi c'est un jeu de mots. Du yokré à Panam, j'ai Kenny, Tony Kwan, des kata, ils pensent qu'il y a des genoux. NASA. Avant le rap, c'était mon passe-temps. Avant, c'était un passe-temps. En fait, je vais niquer le début passe-temps. Il arrive à planète rap. Avant le rap, c'était mon passe-temps. Il s'appelle NASA. En fait, je vais niquer le game et puis basta. 6-0. Avant le rap, c'était mon passe-temps. C'est l'Oise. Et puis basta. C'est mon gars ça. Avant le rap c'était mon pasta. Et Yindy, Yindy. Facilité, facilité. Je vais niquer le mec. Il va niquer le game. C'est tu connais le name. Six Bull. Six Bull, one double zero. J'ai niqué le mec. Mais facilité. Ils vont se barrer, je nique les parages. Chante ta peur quand je suis dans les parages. Chante t'es garé, moi je suis préparé. T'es comme ta couve, ton flow il est garé. Oh le gamin, un texto de gamin. Je vais niquer le game comme les rayons gamin. Je suis t'es papa, t'es un capable de suivre NASA. Vaut mieux que tu harapes. Bra mon gimmick que je balance. Confiance en personne, mais mon poids me balance. Suis la cadence, bébé cadeau. Tu me suis vite pour avoir mon sel. Deux ans cadeau, ouais c'est bon. J'accélère plus, je pète dans ta gueule. Ça c'est de l'air pur. Moi je suis l'or, toi t'es le mercure et je comprends mieux. Pourquoi t'as l'air plus? Reste sur billet, moi me faut des billets. On reste soudé, on va pas écouper NASA que Black. C'est nous qu'on brille. Pastos comme un compton, on bastonne. Si toi t'es pas content, et si ton son n'a plus la côte, c'est que mes rap ton plus et les côtes. Ton plus et les côtes, c'est que mes rap ton plus et les côtes. Bon, je vais niquer le game et puis basta. Il s'appelle NASA. Avant le rap c'était mon pasta. NASA de Six Bull. Six Bull. Niquer le game et puis basta. Pour la poisse à DJ Biz. Faites un maximum de bruit pour NASA déjà, s'il vous plaît. Puisque tout va bien dans ce freestyle, balance-moi la je prochaine. Je sors de ma bulle. Yeah. Je crois que c'est l'heure. Ah ouais, c'est l'heure là. Tout va bien. On est sur Skyrock. Même d'où l'île, certains m'ont déçu. D'autres m'ont blessé. Mais je vais bien. Même d'où l'île, je pousse au soleil. Comme une fleur de lilas. J'ai perdu des proches. Donc une allélie, tapé sous le coussin. Car moi je vais m'en tirer. Si toi t'hésites, bah moi je tire. Maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini. Faut qu'on en finisse. On a fait du mal de chez qu'un jour poteau on sera fini. Le mal nous guette. Pourquoi tu rousses bête? On veut te reposer pépère avec les poissons pis de pépère. Je suis pas d'un ange, mais tu kiffes mon sourire d'enfer. Tu n'es pas une teste, mais maman chérie ton cœur, je le faire croyable. Tout le monde, moi je vais bien. Tout le monde, moi je vais bien. Tout le monde, moi je vais bien. Tout le monde, moi je vais bien. Continue. On tue pour des pétasses, pour des pétasses. On meurt pour des pesos. Tu seul à bord de mon vaisseau, c'est tout à fait normal que je sois en pétard. Moi je vais bien, moi je vais bien, moi je vais bien. Black, je vais bien, moi je vais bien, je vais bien, moi je vais bien. D'autres nous trahissent, par la suite deviennent des païens. Des corps d'enfants cachés dans la paille. Voilà pourquoi dans ma tête c'est la pagaille. Pas camarade de Hakei, paradis où lui fait l'eau. C'est ça qui me rend fêlé. Tu veux me faire d'une main, vas-y belle. Je vais bien, ils attendent que je pourrisse. Je vais bien, ils attendent que je périsse. Je vais bien, donc je vais prendre des risques. Keba. Je vais bien, dans ma place je les prise. A chaque fois je rebondis. Fini l'époque des bandits. Dealer. Papa, maman, grande sœur, allez leur dire que j'ai grandi. La haine, tout le monde, ça j'ai connu. La misère, le batté, ça j'ai connu. Bakissa, les frères au haine, encore, ça j'ai connu. La misère, ça j'ai connu. J'ai sorti de ma bulle. Yeah, je crois que c'est l'heure. Moi je crois que c'est l'heure. Tout va bien. Planète rap. Certains m'ont déçu. Incroyable. D'autres m'ont blessé. Mais je vais bien. Hamdoulilah, moi je vais bien. Que Black. Moi je vais bien. Six Bull. Moi je vais bien. Naza. Moi je vais bien. Ça même. Moi je vais bien. Roma et Musique. Moi je vais bien. Yeah. Moi je vais bien. Moi je vais bien. Un maximum de bruit pour que Black ait. J'ai le calache. Black Shah. Envoie-moi ça encore. Ice Criminel. Sang. Yes, qui a de l'équipe là? S to the P. Pour Miami Music. Ah bon, Jester and Gentleman le 12 octobre, bien bon. Demain, la sortie du clip Pif à 18h, très bien bon. Ça fait des années que j'ai ma place. Ça fait des années que tu vois le blast. On demande pas, on prend ta part. On se mélange pas, on fait bande à part. Un 6 bloc, pas de vantard. Starting block, si l'affaire est rentable, j'arrive à grands pas, faudrait qu'on en parle. Dans leur fouille, j'ai vu des éventails. Ice, crimi, jamais, limite, jamais, fini, jamais, timide, fallait, pané, grigé, j't'allume, comment, Siri. B2O, c'est pas bien, tu les as tous mis au uncut, au tatouage, à la muscule. Mais ils n'auront que le soir, va s'hiver-cule. Le rap en cinglé, ils voient la vie en cinglé, que des poucaves. Moi, j'reste blindé, pour finir blindé, à la Frank Lucas. J'suis que de passage. Dis-moi c'est où le casse, yeah. Ils se voient la face. Mais ils se font recaler où je passe, yeah. Ne compare pas, je suis un bonhomme. SP. Avant d'être un artiste, à peine mon premier album, je vis déjà comme une tête d'affiche. Faut que ce rap game il m'a saoulé. Dans la rue, je l'ai roulé. Il souhaite d'un pour toi, mais tu seras tout seul quand tu vas couler. T'es un ancien, j'ai du respect, yeah. Mais crois pas que tu vas marcher dessus. T'as fait des thunes dans les années 2000. Aujourd'hui c'est moi qui te casse le cul. Gardez vos feux. Fait en lock. Moi je suis un dingue. Il est bête, hein. Torse nu, chaîne en or sur un éléphant plein milieu de la jungle. Yeah. Je veux les dollars. Je traîne un voyou de passer de dollars. J'arrive plus déter que Lola Omar. Toujours détend à croire que je rappe dans un sauna. Contrôlez plus au test antidopage. Perso, j'attends plus qu'il fasse de faux pas. Je les zéro d'âme. Je suis dans l'angle mort avec un flow qui vaut plus qu'une montre chevard. Ne joue pas les héros, tu peux m'appeler Bruce Wayne avec un sombrero, yeah. S to the P, je suis dans une matrice, arrogance 3.0. Mais le game sur pause, regarde les ramper, suce-les sans les dents comme si Mike Tyson t'avait pété le dentier, yeah. Botala, botala, dosala, moussala, AK chargé, buba, ala, bella, den, oussama, donc il a vision. Il est fou. Faut ballard pour la fiston. Mandela. Nique sa mère les cuissons. J'brûle un mbila saignante et la cuisson. Ponduna los. Kwangananthaba. Ma bitch vient des Barbades. Oli, j'suis Conan le barbare. Soir, c'est Planète Rap. 9-4 à Louedzo. Kryptonite Ice. Dans nos bédos. Fina Bango. Leurs momies sont mes chiennes. Drive by en Kunta. Mon torse est rempli de chaînes. Nostalgie de Kinte Kunta. J'fais mon billet, j'me casse. Direction Abu Dhabi. Depuis la majorité, on est calibré. Tout nappy. Sponsorisé street, sa bibi. Drogue, dure, douce, de tout type. Rappeur, un problème, pas besoin d'équipe. On règle ça tout de suite, tout de suite. Mali, Galsen, Galsen. CI, Congo, Congo. Rafale des 30 mètres, 30 mètres. Molengo, le combo. Ok. Ah, mon gars, il s'appelle Ice Criminel, fait du bruit pour lui. SMS. On pas bien pour Sam, Mr. Sam's. Microgel 1, 2, microgel 1, 2, micro-micro-gel 1, 2, microgel 1, 2, micro-micro-gel 1, 2. Y'a du monde ou quoi? J'ai pas dormi de la nuit au quartier, l'atmosphère est sale. Anti-C9, y'a des perquises et ça, les frères le savent. 2-3 compteurs à relever, au moins qu'il resterait ça. Prends trop de risques gros sur la River Smith, mon RSA. Mais fuck it, une taf et je repars au charbon, les places sautent vite. Les petits cons n'ont plus besoin de chaperon, taquet sur chacron, plus de respect. Salam, salut, SBB. Appuie sur la gâchette comme sur une PSP. Ça part de couilles la vie, c'est pas ça mon petit. Malgré le luxe, toujours la merde sous nos anotis. Mais comparé à autre part, on est pas mal lotis. Vraiment par les ongles, sont arrondis. Mais en portant du vice, la conclusion, je me rends compte toutes les putes ont des fils. Les ambiances split, 10 bits, ça devient systématique. Rapproche du 6, 6, 6, ma gueule, c'est mathématique. Là où j'habite, personne n'est corda. Quand tu remplis tes poches, obligé de rouler en hold down. Tu gonnes, colda, des soldats, formaté à compter les sols. Partez par compte au téléphone, marre de voir nos frais de compter les sols. Sale journée à bord, mon quartier, tout cool. Mes gars sont pas drunk in love, ils sont drunk tout court. Au bord de la falaise, on pousse tous. Et si t'as besoin d'aide, donne ton cul, on kiffe de coups de pouce. Surtout les fronts car on a trop faim. J'ai même plus des nuits blanches, au final des journées sans fin. Personne ne sait sans fin, ma gueule que Dieu nous pardonne. Au lieu de SNL, ça préfère des kilos par tonne. Cramé par le départ, au milieu de charogne. On se fait des crocs, des couilles, une parole. Passe la frontière, même pas le pack, mais on maîtrise l'espagnol. Même pas un sketch, nos vies sont pas drôles. Ici nos frères vont pas drôles, pas de bénéfice, pas de drogue, sache-le. Lucien sonne à la porte, chasse-le. Un tic fait le fou pour un bord, chasse-le. J'arrive pas à la chasse, faut payer la chicha. La table en boîte, la pute en classe, classe, yeah. Micro-micro-geste, 1, 2. Micro-geste, 1, 2. Micro-micro-geste, 1, 2. Micro-geste, 1, 2. Micro-micro-geste, 1, 2. Micro-geste, 1, 2. Micro-micro-geste, 1, 2. C'était la session live dans le Planète Rap. Bravo à Taipan. Bravo à Neza, bravo à Queblack, bravo SP. À SP, bravo à Monsieur Sams. DJ Miss la légende Miss derrière Nia, au et bravo à Youssoupha aussi. Salomé, je t'aime, était là. Oui. J-Max Veilly était là. Il y a de la variété, t'as vu les flows, c'était n'importe quoi. Même moi, j'arrivais plus à suivre tellement c'était bon, incroyable. En tout cas. Ça chantait, ça reprenait des trucs à l'ancien. On laisse tellement. Résultat, on est à la bourre, mais on va saluer Difool et toute l'équipe. C'est pas grave, je vais le rembourser à Difool. C'est vrai Difool, ah bah, tiens, ça va intéresser quelqu'un là-bas de l'autre côté. Ah. Oui, je pense qu'on va nous à court. Je pense pas qu'il va venir vous voir directement dans le studio. J'ai dit à Difool, je rembourse ah, pas. Merci, Yous, c'est gentil. Ça va ou quoi, mon gars? Bah, bien, merci pour le freestyle. Ah, merci beaucoup, merci. L'équipe te salue. Eh ben, je salue toute l'équipe. Merci et beaucoup. Et nous aussi, on te salue. Je t'embrasse, Marie. Un bisou. La Yous Team, le crew Youssoupha. Ouais. Ah, c'est ça même. L'équipe des gesteurs. L'équipe des gesteurs, on peut dire ça. Micro-geste 1-2. Micro-geste 1-2. Eh ben, salut les gesteurs. Alors, demain, le retour, 20h-21h, c'est Planète Rap. C'est la dernière de la semaine, demain, ça n'a pas loupé. Déjà. Exactement. Je viendrai faire aussi un tour dans la nocturne. Oui. Mais avant la nocturne, il y a une émission, on m'a parlé. Oui. Ah, je me rappelle plus le nom, mais je vous le dirai demain. Ouais, ok. C'est après Planète Rap et avant la nocturne. Ouais, exact. C'est entre les deux, mais je me rappelle plus le nom, mais peut-être que je vais faire une dinguerie. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. Non, mais c'est des gars et des filles bien dans l'émission. Hein, je les connais, ils sont enfin, super. Pas tous, mais bon, on verra demain. On est à la bourre, donc on n'en parle pas, mais demain, on verra. Demain, okay. Opération règlement de compte, alors. Hein. Exactement. Soyez là, donc. Parfait. À 20h, et puis à 21h, surtout, si demain, a priori. Exactement. Ça va être chaud. Merci Fred, merci Yous, merci tout le monde. Merci tout le monde, merci tout le monde. C'est parti dans quelques secondes avec Jason Derulo pour démarrer la soirée. Bien, très bien. Ouais. Want to want me, c'est le son qui arrive. Magnifique. Eh ben oui, magnifique pour démarrer la soirée. Et Difool, il y a plein de gens qui ont envoyé le hashtag Youssoupha sur Skyrock, donc on a laissé les. Ah oui, t-shirts, il paraît que c'est nous qui vont les envoyer, Difool, tous les deux. Ouais, non. On est chargé de les envoyer. Peut-être moins Fred, je préfère Difool en fait. Ah, en vrai. Ah t'es merci. Plus sûr. Ouais, t'es lui, il est responsable, tu vois, il gère une équipe, tout ça, tu vois. Genre. Je le trouve plus structuré. Toi, t'as. Je sais pas ce que tu as contre moi, mais demain, règlement de compte un petit peu avant 20h. Il y aura un règlement de compte à 20h, à 21h. Et surtout, n'achetez pas Négritude, il est vraiment nul. Numéro 1 au top. Et Romano, n'oublie pas, demain, il y a Youssoupha qui risque de passer. Mais je t'en dis pas peut-être. Plus. Oh, merci l'équipe. Il fait chier, lui. Aïe. Bon, ben vivement demain. Merci Yous. À demain, l'équipe. À allez, demain. Ciao, merci à vous tous. Bisous. Ciao, retour demain. Et Jason Derulo pour démarrer la radio libre. Et vous tous en direct dès maintenant. 01 53 40 30 20. Allez-y. Toute la journée sur Skyrock. Let's go.